Eh oui, on est comme ça chez Ixina. On vous offre une pause bien méritée. En ce moment, jusqu'à 100% de la pause offerte sur votre cuisine équipée. Ixina, oui à vos rêves. Voir conditions en magasin et sur ixina.fr. Bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Juliette Drouet et Victor Hugo, une terrifiante et vraie histoire d'amour. En 1833, Victor Hugo est un homme comblé. L'auteur d'Hernani et de Notre-Dame de Paris est marié à Adèle, son grand amour de jeunesse, avec laquelle il a 4 enfants. Mais le 7 janvier 1833, au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris, quand débutent les répétitions de sa dernière pièce, Lucrèce Borgia, une rencontre va bouleverser son cœur et un peu changer sa vie. Comment pourrait-il résister au charme de Juliette Drouet, ravissante dans son costume fuchsia broché d'or? Et cette comédienne de 27 ans, au passé plus tourmentée qu'il n'y paraît, comment pourrait-elle résister à Victor Hugo? Ce qui va advenir pourrait n'être que l'énième liaison éphémère entre un auteur et une actrice. Mais ce que ni l'un ni l'autre, ce jour-là, ne peut imaginer, c'est l'étonnante histoire d'amour et de dépendance qui va les lier jusqu'à la mort. Juliette Drouet signera avec son amant un étrange pacte. Hugo s'engage à payer ses dettes et à l'entretenir. Et elle, qui abandonne le théâtre, promet de ne vivre que pour lui, recluse et solitaire. Mais dans cet esclavage, Juliette Drouet réussira à s'inventer une transcendance littéraire. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Florence Nogrette, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de littérature française, spécialiste de l'histoire et de la théorie du théâtre. Vous avez beaucoup travaillé sur le théâtre romantique. D'ailleurs, vous étiez venue ici même, dans cette émission, nous parler de la bataille d'Hernani. Et vous connaissez bien Victor Hugo. Alors ce soir, nous allons parler bien sûr de l'écrivain, mais aussi de l'homme. Victor Hugo a connu beaucoup de femmes dans sa vie. Alors quelle place particulière Juliette Drouet a-t-elle occupée dans son tableau de chasse ? Juliette Drouet, c'est vraiment la femme de sa vie, c'est lui qui le dit. Il dit « Je suis née une première fois à la vie, c'est ma mère qui m'a donné le jour, mais je suis née une deuxième fois à l'amour grâce à toi ». Donc c'est vraiment la femme qui lui a fait découvrir l'amour beaucoup plus que son épouse, hein, qu'il avait aimé aussi, qui était un amour d'enfance. Mais enfin, Juliette l'a révélé non seulement à la passion amoureuse, à la passion charnelle, mais aussi à la sororité des âmes. Et sur la fin de leur vie, elle est encore son âme sœur, et très souvent sous la plume de Hugo comme sous celle de Juliette, on retrouve cette idée qu'il demande à Dieu de les faire mourir ensemble et de vivre éternellement dans la vie éternelle ensemble. Alors, l'histoire que je vais raconter se déroule entre 1833 et 1851, donc c'est une page de leur histoire à tous les deux. En 1833, nous sommes toujours sous la monarchie, mais sous la monarchie dite de Juillet, c'est ça ? Oui, c'est ça. On est au début de la monarchie de Juillet, qui a commencé après la révolution de juillet 1830, d'où son nom monarchie de Juillet, et qui durera jusqu'en 1848, jusqu'à la révolution de 48, après laquelle interviendra un autre régime, qui est la Seconde République. Oui, donc Victor Hugo aura un rôle important. Dans lequel il aura un rôle important. Il est assez bien en cours, hein, sous la monarchie de Juillet. De temps en temps, le roi le reçoit. Il est bien écouté du roi et c'est le roi qui le nommera pair de France en 1845. Oui, il connaîtra, Victor Hugo, une évolution politique, on en reparlera. En 1833, c'est l'année donc où Victor Hugo et Juliette Drouet se rencontrent. À ce moment-là, Victor Hugo est un auteur connu et reconnu? Oui, Victor Hugo est un auteur connu et reconnu, poète. Il a publié les Odes et Ballades, notamment. Il publie pendant cette décennie 1830 plusieurs recueils lyriques. Romancier avec Notre-Dame de Paris. Qui est un immense succès. Énorme succès de Notre-Dame de Paris. Et puis, homme de théâtre, hein, qui a connu aussi un immense succès avec Hernani en 1830. Hein. Et en 1833, il quitte la Comédie-Française où avait été créé Hernani en 1830 et Le Roi s'amuse en 1831, il quitte la Comédie Française pour la Porte Saint-Martin, qui est un théâtre beaucoup plus populaire. Et c'est pourquoi il écrit, cette année-là, Lucrèce Borgia, qui est une pièce en prose destinée à un public populaire qui va voir du mélodrame. Et c'est comme ça qu'il rencontre Juliette Drouet, parce que elle joue à la Porte Saint-Martin déjà depuis quelques temps. Victor Hugo donc est marié avec Adèle Fouché depuis 1822, donc depuis 11 ans. Ils ont 4 enfants, donc il y a Léopoldine, Charles, François-Victor et Adèle. Mais ce n'est pas exactement une famille parfaite et heureuse. La famille est heureuse dans la mesure où les parents s'entendent très bien avec les enfants, où Victor Hugo est un très bon père et un père très moderne, c'est-à-dire qu'il s'occupe vraiment d'eux, il les soigne quand ils sont malades, il leur invente des histoires, il leur crée des bons points. C'est un très bon père, comme on le serait aujourd'hui. En revanche, le couple ne va plus très bien depuis la naissance de la petite dernière, Adèle. Depuis cette naissance, Madame Hugo a signifié à son mari que c'était terminée. Oui, la sexualité. Voilà. Mais par contre, elle a une liaison. Elle a une liaison avec Sainte-Beuve, qui est elle amie de Hugo et qui bientôt ne sera plus l'amie de Hugo. Et Juliette Drouet, alors, qui est-elle en 1833? D'où vient-elle? Juliette Drouet est en pleine ascension dans sa carrière. Elle est actrice et elle s'est hissée jusqu'à la Porte Saint-Martin, qui est un très beau théâtre secondaire où on joue des pièces populaires, comme des pièces comme le mélodrame ou le vaudeville. Et elle a un très grand mérite, qui est d'avoir réussi dans sa carrière jusqu'à présent en étant d'un milieu très défavorisé. Oui, c'est une orpheline. C'est une orpheline bretonne dont les parents sont morts dans sa première et deuxième année et qui a connu la misère. Elle dit qu'elle vient du ruisseau. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? On ne sait pas exactement, mais on peut comprendre qu'entre le moment où elle a quitté le couvent à 15 ans et le moment où elle a rencontré Pradier, le sculpteur Pradier, qui est le père de sa fille, 4 ans, là, entre 15 et 19 ans, il est très possible qu'elle ait connu la prostitution. Ouais. Elle ne le dit pas clairement, mais c'est ce qu'on comprend quand même dans les différentes lettres où elle en parle à Hugo à mots couverts. Florence Nogrette, merci. On se retrouve tout à l'heure pour continuer cette discussion, si vous le voulez bien. Tout de suite, Juliette Drouet et Victor Hugo, une terrifiante et vraie histoire d'amour. Un texte de Christine Spianti, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. Réalisation, Juliette Eman. Où est-elle? Elle n'est pas dans sa loge. Il faut que je la retrouve pour la convaincre d'accepter le rôle. Peut-être dans la salle. Tout à l'heure, en la croisant dans le couloir, je lui ai dit... Qu'est-ce que j'ai bien pu lui dire? Je ne sais plus. Elle me trouble. Cette candeur et cette sensualité mêlées. Ah, la voilà. Sur la scène, en costume. Mais elle répète. Elle accepte donc le rôle. Elle est si belle. Elle se croit seule. Paris, le 7 janvier 1833, au théâtre de la Porte Saint-Martin. Victor Hugo est l'auteur de Lucrèce Borgia, la prochaine pièce qui sera à l'affiche en février. Les lectures ont commencé il y a une semaine. Ce jour-là, Juliette Drouet et Victor Hugo se sont rencontrés pour la première fois. Victor a 31 ans. Vêtu en poète romantique d'une redingote noire, les cheveux un peu longs, le regard déterminé, il est depuis la bataille d'Hernani le chef de file des romantiques. Son roman Notre-Dame de Paris a connu un succès retentissant. Juliette Drouet a 28 ans. Comédienne, elle a débuté au vaudeville il y a 4 ans. Très vite, elle a décroché son premier grand rôle en donnant la réplique au célèbre Frédéric Lemaître dans Le Moine de Lewis. Ce 7 janvier, depuis les coulisses, Victor Hugo observe Juliette qui apprend son texte en costume, une robe fuchsia brodée de motifs sombres et doublée d'or. Monsieur le comte Orsini, vous avez là un ami qui me paraît bien triste. C'est mon frère d'armes, tatata. Un bohémien nous a prédit que nous mourrons le même jour. Vous a-t-il dit si ce serait le soir ou le matin? Il nous a dit que ce serait le matin. Votre bohémien... Votre bohémien... Ne savait pas ce qu'il disait. Oh, monsieur Hugo, vous êtes là depuis longtemps? Non, à l'instant. Vous faites une princesse Negroni éblouissante. Oh, je ne crois pas qu'il y ait au monde un comédien capable de jouer les rôles tels que vous les avez en tête, monsieur Hugo. Mais si, vous par exemple. Vous jetez sur votre rôle un éclat extraordinaire que je n'avais pas du tout imaginé. Quelque chose d'inquiétant. Vous avez été déçu, n'est-ce pas? Très déçu. Je ne pouvais pas vous donner le premier rôle. Lucrèce Borgia, c'est pour Mademoiselle Georges. Elle a 46 ans. Mais quand même, 9 répliques au troisième acte. La princesse Negroni, ce n'est pas un rôle, c'est une apparition. J'en conviens. J'ai su que vous avez voulu rompre votre contrat avec le directeur du théâtre. J'étais très inquiet. Finalement, vous restez. Oui. Je me suis dit, il n'y a pas de petit rôle dans une pièce de Victor Hugo. Merci, chère Juliette. Reprenons, voulez-vous ? Et vous aimez bien ce jeune homme ? Autant qu'un homme peut en aimer un autre. Eh bien, vous vous suffisez l'un à l'autre, vous êtes heureux. L'amitié ne remplit pas tout le cœur, madame. Mon Dieu, qu'est-ce qui remplit tout le cœur ? L'amour. Vous avez toujours l'amour à la bouche. Et vous dans les yeux. Êtes-vous singulier ? Êtes-vous belle ? Là, il lui prend la taille. Ils ont tous bu beaucoup de vin de Xérès. Monsieur le comte Orsini, laissez-moi. Un baiser sur votre main ? Ah, ce rire, chère Juliette. C'est ça, la princesse Negroni. Ironique, railleuse. Bien. La scène est finie. Au revoir, monsieur. Attendez. Puis-je vous inviter ? Je ne sais pas, une glace chez Tortoni. Je vous ai tellement cherché. C'est d'accord. Le 2 février 1833, la première de Lucrèce Borgia est un triomphe. 2 semaines plus tard, la nuit du Mardi Gras, c'est carnaval sur les grands boulevards. Malgré la pluie battante, les spectateurs sont aux fenêtres pour suivre le défilé des chars entre la Bastille et la Madeleine. Les gardes à cheval encadrent l'avancée des cabriolets. Des Gilles, Arlequins et Colombines en perruques et maillots roses chahutent dans les carrioles, interpellant les passants sous leurs masques. Il est 23h et le cocher du fiacre qui transporte Victor manœuvre difficilement dans l'embouteillage pour rejoindre le 5 bis boulevard Saint-Martin où habite Juliette. Oh, ça n'avance pas. Cette ville est folle. Elle se donne la comédie de la joie alors qu'elle croupit dans la misère. C'est égal. Cette nuit, nous la passerons à rire et à danser. Juliette veut absolument aller à ce bal. Je me sens ivre. Il y a si longtemps que je n'ai plus aimé. J'étais comme mort, vraiment mort. Et voilà. Les insomnies, les larmes, les épouvantes sont devenues des caresses. Juliette, ses yeux, son front, son sourire. Oh, on s'arrête encore. Elle est capable de partir sans m'attendre et pour la retrouver dans la foule du bal. On n'est plus très loin. Tout cela est-il vrai ? Il m'aime, lui, Victor Hugo. Tout ce qu'il y a de sensible en moi a été meurtri par la vie. Mais quand je le regarde, c'est comme si j'étais au ciel. Se pourrait-il que toutes les indignités de ma pauvre existence soient rachetées par son amour ? Quand il me sourit, il a toujours un air étonné, on ne sait quoi d'enchanté, comme un songe. J'ai peur de me réveiller. Tant pis. Ce soir, je me donnerai à lui tout entière. Il vient. Je suis désolée, chère Juliette. Il y a des encombrements tels que... Oui, c'est carnaval. Il y avait 2 adorables enfants dans une voiture. Un Pierrot et une Pierrette. Tu aurais vu leur air grave. Ils prenaient très au sérieux leur rôle. Nous partons tout de suite. Il pleut, tu sais. Oh, le théâtre du gymnase est à 2 pas. Tu es attendue à ce bal ? Non. Quel silence chez toi, après le tumulte du boulevard ? Si nous restions ici, laissons dehors la grande liesse générale. Cachés ici, on se fera notre douce fête à nous. Tu veux ? Tu as peur ? Oui, j'ai peur. Entrer dans le mystère et la solitude avec toi, cela s'appelle aimer. Mais je n'espère que cela. C'est donc vrai. Un an et demi plus tard, le 2 août 1834, l'été a bien commencé. Juliette et Victor ont fait un voyage le long des rives de la Seine. Mais de retour à Paris, Juliette est rattrapée par ses ennuis d'argent. Elle élève seule sa fille, née d'une liaison avec le sculpteur James Pradier. Et depuis son échec dans Marie Tudor, la pièce de Victor, on ne lui confie plus aucun rôle. Hugo l'a fait engager à la Comédie Française, mais comme Juliette a des dettes, sa pension mensuelle est saisie. Il y a 15 jours, elle a été expulsée de son logement. Elle n'en a rien dit à son amant. Victor lui voue un amour passionné, ce qui le console d'avoir découvert il y a peu que son meilleur ami, Sainte-Beuve, est depuis longtemps l'amant de sa femme, Adèle, la mère de ses 4 enfants. Juliette attend Victor au jardin des Tuileries. Ce 2 août 1834 va décider de leur vie. S'il ne venait pas, il ne veut pas qu'on se voie en public, mais je dois lui parler. Je suis à la rue. Ce matin, j'ai encore reçu des papiers timbrés. Hier, ils ont pris mes meubles. Avec les intérêts, ma dette a triplé. Que c'est avilissant. Oh, j'en perds la tête. Il n'y a qu'une seule solution. Le voilà qui vient. J'ai peur. Comment vas-tu ce matin, ma Juliette ? J'ai quelque chose à te demander, mon cher petit Otto. Écoute-moi, c'est grave. Qu'y a-t-il ? Il faut vite m'écrire un grand rôle. Je veux gagner beaucoup d'argent. Je fais tout ce que je peux, tu sais. C'est bien sûr, ça ? Tu veux vraiment me voir sur scène ? Tu n'es pas jaloux ? Un peu. L'idée que d'autres puissent aimer ta beauté me rend fou. Et quoi ? C'est mon passé, c'est ça ? Il te donne raison ? Oui, j'ai eu des protecteurs, mais... Non, non. Parfois, la fatalité détermine une vie, je le sais. Et si on te jetait la première pierre, je me mettrais devant. Mais pourquoi parler de ça ? Parce que tu ne m'écris rien. Je dois travailler, moi. J'ai tous les usuriers de Paris à mes trousses. Tu dois combien ? Garde ta charité. Si je n'ai pas d'avenir au théâtre, eh bien, je vais partir. Non, je t'en prie. Pourquoi tout précipiter ? J'ai besoin de toi, moi. Victor, je vais finir en prison pour dette. Je partirai à l'étranger avec ma fille. Telle que je suis, je peux encore gagner ma vie. Gagner ta vie ? Tu veux reprendre ta vie d'avant, c'est ça ? Tu vois ? Pour toi, je suis une femme que le besoin peut jeter dans les bras du premier qui veut l'acheter. Tu as vraiment de moi une opinion monstrueuse. Et tu penses à moi ? À ma souffrance loin de toi ? Je ne vois pas d'autre solution. Eh bien, pars, si c'est ce que tu veux. Adieu. Adieu, mon amour. Dans ce mot-là, il y a toute ma vie. Puisses-tu être heureux et admiré autant que je suis malheureuse et déchue. Le lendemain, Juliette, accompagnée de sa fille Claire, âgée de 8 ans, part pour Saint-Renan, près de Brest, chez sa sœur aînée. Hugo, de son côté, réunit l'argent pour payer les créanciers les plus insistants. Quelques jours plus tard, le poète prend la malle-poste et rejoint Juliette à Saint-Renan. Avant de repartir pour Paris, ils vont marcher au bord de la mer. Ah, je connais la Méditerranée. Mais l'océan, je ne l'avais jamais vu. Juliette, regarde cette immensité. Allez, souris-moi. Tu es encore inquiète ? Oui, je n'ai pas de passeport. Si on est arrêté, les gendarmes vont te faire des ennuis à cause de moi. Mais non, rassure-toi. Notre passeport est en règle, regarde. Je vous ai fait inscrire comme ma femme et ma fille. Oh. Tu vois, tout va s'arranger. Mais plus jamais tu ne partiras comme ça, hein ? Pardonne-moi. J'ai tellement peur de ce qui m'attend à Paris. Je vais te sortir de là. En 3 jours, j'ai ramassé 1000 francs avec mes ongles pour toi. Je te sauverai, ma Juliette. Je vais payer tes dettes, la pension de Claire, ton loyer, tout. Accepte. Oh, tu es si bon, mon Victor. Comme si Dieu t'avait fait homme pour racheter l'infamie de mon passé. Mais je ne veux pas. Juliette, ce n'est pas moi, c'est toujours Dieu qui donne. Je t'ai prise femme aux hommes. Je te rendrai ange à Dieu. Et puis toi aussi, tu vas travailler à ton salut. Tu veux ? Oui, de toute mon âme, je le veux. Mais comment ? Eh bien, en vivant modestement. Tu ne verras plus personne, tu ne sortiras plus sans moi, tu n'achèteras plus ni robe ni parure. Je ne verrai plus personne en dehors de toi. C'est une cage que tu me construis là. Tu t'en sens capable ? Oui, je le ferai. Promets-le-moi. Promis. Partons maintenant. Claire nous attend dans la voiture, j'ai peur qu'elle ne prenne froid. Merci de cette promesse. Là, regarde. Une éclaircie sur la mer. Ce ciel bleu et serein, c'est ta belle âme. Dieu t'aime. Oh, ma Juliette. Ce que tu me dois, je l'ignore. Mais ce que je te dois, je le sais. C'est le bonheur. Nuit du 3 juillet 1845. Depuis l'escapade à Brest, 12 ans ont passé. Juliette habite avec sa fille à 600 mètres de chez Victor, dans un petit appartement loué au nom de Lanvin, un ami de longue date, ce qui a permis d'égarer les créanciers. Elle vit en recluse, classant les notes de Victor, ses manuscrits, ses épreuves, et rédigeant les récits de leur voyage. Victor lui donne lecture en premier de tout ce qu'il écrit. Grâce au triomphe de Ruy Blas en 1838, il a vendu les droits de ses œuvres complètes pour le montant colossal de 300 000 francs. Les intérêts à eux seuls couvrent les frais d'entretien de ces deux familles. Il est entré à l'Académie française et depuis peu en politique. Louis-Philippe l'a nommé pair de France. Il a des maîtresses et parmi elles, Léonie Biard. Ce soir du 3 juillet 1845, comme d'habitude, Victor et Léonie se sont retrouvés dans une chambre louée sous un faux nom. Mais un commissaire de police a soudain fait irruption, accompagné du mari de Léonie, pour constater le délit d'adultère. Il m'a laissé partir, mais un vaudeville est très mauvais encore. Le sort a de ses coups de trahison. Si le mari porte plainte, la chambre des pairs peut se constituer en cour de justice et me destituer de mon titre. Quel scandale! Juliette, elle, va me consoler. Alors je sens que mon cœur ne bat pas. Vous me manquez. Je suis absente de moi-même. Mais dès qu'enfin ce pas que j'attends et que j'aime vient frapper mon oreille, alors il me souvient que je vis et je sens mon âme qui revient. Donia Sol, ma Juliette. Tu regrettes à ce point de ne pas avoir joué dans Ruy Blas ? Si tu savais, ça a été un coup terrible. Tu frissonnes ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, encore cette maudite chambre des pairs. Ah, oh, te voir pris dans cette turpitude politique avec tous ces gens qui veulent t'écrabouiller, ça n'en vaut pas la peine. Tu oublies que tu es poète. Non. Et je me dis souvent que c'est du temps perdu. Mais politique et poésie vont au même but. Le poète est l'homme des utopies. Alors tu vas refaire un grand livre, comme Notre-Dame de Paris ? Oui, mais ce sera un roman sur le peuple. J'y réfléchis depuis longtemps. Bon, et toi, qu'as-tu fait de ta journée ? Raconte. Eh bien, j'ai lu Le Moniteur. Ah. C'est crânement chouette. Et que d'imagination. Après, j'ai jardiné, j'ai sarclé mes pieds d'alouette et mes lupins. Regarde un peu tout ce que j'ai fait. Tu vois, là, à la place des fraisiers, il y avait des navets et du cerfeuil. Je les ai arrachés. C'était trop plébéien. Mon jardin doit passer à l'état aristocratique. N'est-ce pas, Victor chéri ? Tiens, c'est pour toi. Une fraise parisienne. Un délice. Et Claire, qu'est-ce qu'elle a fait ? Dis-lui que Toto reviendra demain la faire enrager. Oh, tu pars déjà ? Oh, si j'étais membresse de l'Académie, il y a un chien de mots à qui je ferais passer un sale quart d'heure. Le mot absent, une canaille celui-là. Mais non. Quand la porte va se refermer sur moi, je serai absent en apparence. Mais si tu regardes bien, avec les yeux de l'âme, tu me verras dans un coin. Je veille sur toi. Ma Juju, tu es au fond de tout ce que je fais, de tout ce que je pense. À demain. Quelques jours plus tard, le mari de Léonie retire sa plainte. Hugo ne sera pas inquiété. Léonie, en revanche, est envoyée à la prison Saint-Lazare, puis en maison de correction. À sa sortie, elle divorcera à ses torts et perdra la tutelle de ses enfants. Juliette n'a rien su du scandale. sa fille Claire tombe malade et bientôt meurt de la tuberculose. Victor, lui, porte à jamais le deuil de sa fille Léopoldine, morte il y a 3 ans. La douleur les rapproche. Après l'affaire Léonie Biard, le roi demande à Hugo de s'éloigner un temps de la vie publique. Il en profite pour commencer la rédaction des Misérables. Il choisit le 16 février 1833, date de sa première nuit d'amour avec Juliette, pour situer le mariage de Marius et Cosette. Cosette, dont l'histoire ressemble fort à celle de Juliette. Née à Fougères d'une mère fileuse et d'un père tailleur, Juliette a perdu très tôt ses parents. Orpheline, elle a été recueillie par son oncle qui l'a placée au couvent à Paris. Victor s'est installé un bureau chez Juliette et elle recopie le manuscrit au fur et à mesure. Cette nuit du 14 février 1848, il lui lit les derniers feuillets qu'il vient d'écrire. À de certaines heures, l'enfant s'étincelait dans le cloître du couvent. La récréation sonnait. Les oiseaux disaient « Bon, voilà les enfants ». Une éruption de jeunesse inondait ce jardin coupé d'une croix comme un linceul. Des visages radieux, des fronts blancs, des yeux ingénus pleins de gaie lumière. Toutes sortes d'aurores s'éparpillaient dans ces ténèbres. Tout à coup, éclatait ce bruit des petites filles, plus doux qu'un bruit d'abeilles. La ruche de la joie s'ouvrait et chacun apportait son miel. On jouait, on s'appelait, on se groupait, on courait. De jolies petites dents blanches jasaient dans des coins. Bien. Assez travaillé pour aujourd'hui. Je vois tout comme si j'y étais. Tes personnages sont en chair et en os. Fantine surtout. C'est que je l'ai rencontrée, Fantine. Comment ça? Tu ne te souviens pas? Cette fille près de l'opéra. Un dandy qui passait lui avait jeté une poignée de neige dans le décolleté et elle l'avait frappée. Oh, si, je me souviens. Les agents l'ont arrêtée et tu as témoigné en sa faveur. Toi, tu es un peu Cosette. Dis, tu pourrais m'écrire tes souvenirs du couvent Sainte-Madeleine? Fichtre, qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Je ne sais pas. À quelle heure tu te couchais? Ce que vous mangiez? Oh, c'était triste, tu sais, toutes ces orphelines. Je me demande bien ce qui leur est arrivé. Le pire, sûrement. Tu vois comme c'est injuste. On n'avait encore rien fait du tout, qu'on était déjà destiné à l'infamie, juste par notre naissance. Comme dans ton roman. Bon. Si tu veux, on peut peut-être relire le passage suivant. Si tu veux. Non. Je suis fatigué. D'accord. On va s'arrêter un petit peu, si tu veux bien. Oui, bien sûr. On peut sortir. Ça y est. Allez, on part. 14 février 1848, Hugo interrompt l'écriture des Misérables. La révolution a éclaté. Le 24 février, le roi abdique, la Deuxième République est proclamée. Elle instaure l'abolition de l'esclavage, la liberté de la presse et l'élection au suffrage universel masculin, des combats chers à Victor Hugo de longue date. Aux élections législatives, il est élu député, désormais aux côtés des républicains conservateurs de droite. Sous la pression des socialistes, qui veulent résorber le chômage, le gouvernement finance des ateliers nationaux. Mais fin juin, il décide de les fermer, provoquant la révolte du peuple de Paris. Hugo fait partie des députés délégués sur les barricades pour parlementer. Le calme revenu, ce 26 juin, il retrouve Juliette, peu avant midi, dans l'église de la Madeleine. Dis pas que tu es resté 3 jours et 3 nuits dans la rue sans dormir ni manger. Non, non, non. De braves gens m'ont donné du pain. Oh. Et ta famille? Les bergers sont entrés chez moi. Quoi? Rassure-toi, ils n'ont rien touché. Leur chef était un instituteur. Il leur a fait enlever le bonnet et défiler avec respect dans l'appartement. Mais c'est du sang sur ton paletot. Ah, ça. J'ai été pris sous la mitraille vers Bastille. Je me suis abrité dans une porte où il y avait des blessés, du sang partout. Ça vient de là. Oh, grâce à Dieu, tu es sain et sauf. J'ai prié fort nos deux anges, Claire et Léopoldine. Et pas une balle ne m'a atteint. Mais quel désastre. J'ai vu des insurgés exécutés d'une balle dans la tête. Et moi, j'étais du côté des soldats. Moi qui porte l'amour du peuple et sa souveraineté politique au plus haut. Mais tu as défendu l'ordre contre l'anarchie. Tous ces gens ne demandent que du travail. Je ne sais pas si j'étais du bon côté. Mais sois tranquille. Il n'y a plus rien à craindre. Je retourne à l'Assemblée. Aime-moi. En ex-vicomte, avec vos gilets à la Robespierre, vous êtes l'élu de mon cœur. Et moi, je vous ai mis à la tête de mon gouvernement définitif. À ce soir. À ce soir. Louis Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, élu président de la République en 1848, a bénéficié du soutien d'Hugo et du journal L'Événement, dirigé par ses deux fils, Charles et François-Victor. Mais quand Louis Bonaparte commence à restreindre le suffrage universel et la liberté de la presse, Hugo s'oppose à lui et L'Événement relaie ses combats à l'Assemblée. Si bien qu'en mai 1851, un énième papier de son fils Charles Hugo dénonçant la peine de mort entraîne son arrestation. Un mois plus tard, son frère François-Victor est arrêté à son tour. Mes deux fils en prison. Et pas moyen de les sortir de là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Toutes ces lettres par terre. Mon Dieu, mes lettres à Léonie. Elle avait menacé de révéler notre liaison si je ne quittais pas Juliette. Eh bien, c'est fait. Pardon, Juliette. Mais je peux me justifier. Léonie a été en prison à cause de moi. Après, je n'ai pas pu l'abandonner. Juliette va comprendre. Comment vont tes fils? Je suis resté dans la cellule avec eux toute la journée. Charles était mieux quand je suis parti. Mais oui, tu as l'art de rassurer les gens. Un sourire, une parole, je t'aime ma Juliette, c'est de la magie. Ne le prends pas comme ça. Pour Léonie, j'avoue. Je me suis laissé entraîner par mes sens. Un entraînement des sens qui dure depuis 7 ans? Tu te moques de moi? Écoute, je vais tout t'expliquer. Elle m'écrit qu'elle est même reçue chez toi. Comment tu vas m'expliquer ça? Léonie est une amie de ma femme. Adèle s'occupe de publier le récit de son voyage au pôle Nord. Léonie a traversé la Laponie à cheval. La Laponie à cheval, vraiment? J'ai passé la nuit à relire les lettres que tu m'écrivais en 1844, l'année où tu l'as connue. Toute cette tendresse profanée, tout cet amour souillé. Non, ce qu'il y a entre toi et moi, je ne le partage avec personne. Et moi, misérable folle? Ce matin encore, ma sœur m'a envoyé des fraises de Brest pour toi. Je me faisais une fête de la surprise. Ah, je remercie Léonie d'avoir été impitoyable. Je vais la quitter. Ah oui. Tu vas quitter une femme belle, de 15 ans plus jeune que moi, que tu adores, qui plus est une femme de lettres. Tu veux que je te croie? Je ne la verrai plus. Je te recevrai chez moi. Jamais. J'ai trop de respect pour ta femme. Victor, tout est détruit. Non. Non, je ne veux pas. Ça me remue les entrailles quand je te vois en larmes. Je t'aime tellement. Moi aussi, si tu savais à quel point tu serais épouvantée. Juliette, je souffre. Il n'y a que toi qui me donne le courage de vivre. Tu as 2 mois pour décider. Elle ou moi. Sinon, cette fois, ce sera bien fini. T'attends. Laisse-moi. Victor rompt avec Léonie Biard. Les événements politiques s'accélèrent. Comme la Constitution interdit à Louis Bonaparte de se représenter aux élections présidentielles, il décide de se maintenir par la force. Dans la nuit du 2 décembre 1851, les troupes se positionnent. 68 députés de l'opposition sont arrêtés. De l'imprimerie nationale partent des colleurs chargés d'affiches qui proclament la dissolution de l'Assemblée et l'état de siège. Juliette est sans nouvelles de Victor. C'est déjà l'aube et je n'ai pas dormi. L'ont-ils arrêté? Cette nuit, il a glissé un mot sous ma porte. Je suis inquiet. Il faut que je te parle. Il y a du nouveau. Ma vie en dépend. Victor. Ma vie en dépend. Victor! Ma Juliette, je n'ai que 5 minutes. Je viens te chercher. Mais que se passe-t-il? Où étais-tu? J'ai dormi chez quelqu'un au canal Saint-Martin. Ma maison est cernée. On est venu m'arrêter. Ce petit Napoléon qui disait partout « Je suis un homme de démocratie » et maintenant il fait un coup d'État. Hein? Quelle farce! Je mangerai bien un bout. Il y a du poulet froid. Oh, où sont mes bottines? Voilà. Où veux-tu aller? J'ai des réunions, des gens à voir. J'ai peur pour toi, je veux que tu sois avec moi. Des réunions? Mais Victor, il faut partir. Mon amie, Madame Lanvin, dit que son mari peut te donner son passeport. Je ne m'en irai pas. Mes deux fils sont en prison, c'est mon devoir de combattre. J'aime mieux perdre la bataille que l'honneur. C'est de nous, les députés, que le peuple attend l'impulsion. Tu crois? Si tu avais vu le jour de son élection les marchandes de persil et de carottes du marché des Blancs-Manteaux, elles dansaient en rond. Le peuple l'aime bien, Louis Bonaparte. Bah bien sûr, comment veux-tu? Il rétablit le suffrage universel, cette canaille. Il sera le seul candidat et le peuple aura le droit de se donner un dictateur. Et pour 10 ans encore. Et qu'est-ce que vous allez faire? Je t'explique en route. Tu es prête? Couvre-toi bien, il fait froid. Le fiacre nous attend en bas. Rue Blanche. Et vous ne vous y attendiez pas? Non. Ce Napoléon le Petit, tellement insignifiant. Mais dans ses rangs, il y a bien des députés et des ministres qui ne sont pas d'accord. Un coup d'État tout de même. Tu penses? Ce sont ces créatures. Il leur a dit, le trésor public est un sac. Fouillez, prenez tout, les places... Les décorations, l'argent, la bourse. Et après, il se retournerait contre lui. Ça ne risque pas, en effet. Et toi, tu crois qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Défendre la République. Être rapide, énergique. Le déclarer hors la loi. Soulever le peuple contre lui. Si l'on se bat, ce sera terrible. On va se battre. On y est. Attends-moi ici. Oui. Les jours qui suivent, Juliette l'accompagne dans tous ses déplacements. Hugo met en place un comité de résistance et rédige un appel aux armes. Il tente d'organiser l'insurrection au faubourg Saint-Antoine. À la tête du cortège, avec d'autres députés portant l'écharpe tricolore, il fait face aux soldats qui n'osent pas tirer. Dans Paris, l'assaut est donné. C'est le massacre. Ce jour-là, Victor est parti seul de la planque où il dort avec Juliette, rue de Richelieu. Préparant activement sa fuite, Juliette se rend boulevard Saint-Martin chez Laura Kraft, l'amie qui l'hébergeait autrefois. Son mari, imprimeur à Bruxelles, va écrire une fausse lettre d'embauche. Le plan est arrêté. Hugo partira sous la fausse identité de Monsieur Lanvin, un ouvrier typographe qui part travailler en Belgique. Ce soir du 5 décembre 1851, elle espère le retrouver rue de Richelieu. Je l'ai cherché toute la journée. Il est introuvable. Il y a des cadavres partout sur les boulevards. Les soldats mitraillent à l'aveugle. Les gingères, les charcutiers, les boutiques de jouets de Noël. J'ai vu des enfants qui se sauvaient prendre une balle dans la tête. Effroyable. Il faut qu'il parte au plus vite. S'il n'a pas été fusillé sur une barricade... Je suis arrivée. Mais qu'est-ce que... Ces ombres de l'autre côté de la rue. Des policiers. Ma main a coupé. Ils vont et viennent sans quitter la porte des yeux. La planque est surveillée, j'en étais sûre. Et Victor qui arrive là-bas. Juliette, qu'est-ce qu'il y a? Je suis découvert? Oui. Viens, on fait demi-tour. Marchons lentement. Le palais royal est à 2 minutes. On trouvera un fiacre. Pour aller où? Je ne sais plus où aller. Moi, je le sais. Juliette a trouvé un asile sans risque chez son ami Montferrier, gérant d'un journal gouvernemental. Elle y a déjà fait transporter la malle contenant les manuscrits de Victor qu'elle gardait chez elle avant que son appartement ne soit perquisitionné. Victor n'a d'autre choix que l'exil. Sa femme et ses enfants le rejoindront 6 mois plus tard à Jersey. Ce soir du 11 décembre 1851, il s'apprête à prendre le train pour Bruxelles, déguisé en ouvrier. Je pars, mais je n'ai pas l'impression d'abandonner la bataille. Danton lui-même n'aurait pas pu allumer la révolution. Tu as fait ton devoir. Sauve-toi maintenant. Tu as les sandwichs ? Oui, dans ma poche. Une dernière chose. Afin qu'il ne confisque pas ma fortune, je l'ai mise en sécurité sous forme d'obligations à Londres et d'actions à la Banque Nationale de Belgique. Mais il reste 100 000 francs. Je vais les investir à ton nom. À mon nom ? Je ne veux pas. Tu dis cela ? Non, je te dis, cet argent appartient à tes enfants. Nous en reparlerons. Oh, ton sourire. Ma Juliette, dans 48 heures, nous serons à nouveau ensemble. N'oublie pas de bien rabattre la cascade sur tes yeux. Je m'occupe des manuscrits. Ne t'inquiète pas. Ma Juju, tu as sauvé l'homme, tu vas sauver l'œuvre. Quand tu recevras ma lettre, tu partiras tout de suite à Bruxelles. Je t'en supplie, ne me laisse pas trop longtemps tout seul à t'attendre. Louis Bonaparte restera au pouvoir et se proclamera Napoléon III. Hugo restera 20 ans en exil. Il reprendra le manuscrit des Misérables arrêté en 1848 et achèvera le livre qui fera sa gloire en 1861. Entre ces deux dates, l'écrivain royaliste est devenu républicain et socialiste. Ce soir du 13 décembre 1851, deux jours après le départ de Victor, Juliette attrape le dernier train pour Bruxelles, chargée de la malle au manuscrit. Enfin, je pars. Il n'y a pas de mots dans la langue humaine pour dire ce que j'ai souffert en attendant cette lettre. 15 heures sans nouvelles, tout en le sachant livré à tous les hasards. Mon ange bien-aimé, tu peux partir ce soir. Viens me retrouver à l'hôtel de la Porte Verte. Pars les pieds bien au chaud, il fait horriblement froid dans le train et le voyage est lent. À Quiévrain, on est en Belgique. Là, on m'a demandé mon passeport et il n'y a eu aucune difficulté. Cher ange, tu es resté à mes côtés dans la lutte. Quelques heures encore et je vais revoir tes yeux, étincelants dans la colère et bouleversants dans l'amour. Tu es ma vie, ma joie. Hôtel de la Porte Verte. Il est sauvé. Il va poursuivre son œuvre. Je ne quitte pas la malle des yeux. Elle contient ce qu'il y a de plus précieux au monde, les manuscrits de Victor Hugo. Juliette Drouet et Victor Hugo, une terrifiante et vraie histoire d'amour, de Christine Spianti, avec Juliette Drouet, Alizée Soudet, Victor Hugo, Thibaut Vincent, bruitage Sophie Bissens, prise de son montage et mixage Pierrick Charles et Éric Villenfin, assistante à la réalisation Aurélie Miremont, réalisation Juliette Eman. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on continue de parler de Juliette Drouet et de Victor Hugo avec mon invitée Florence Nogrette. Jean-Louis Murat à l'amour sur France Inter. Autant n'emporte l'histoire est réalisé par Stéphane Ranxin, assisté d'Anna Sardier et Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Laurent Baudouin. Florence Nogrette, on est assez quand même fasciné, pour pas dire parfois effaré, par l'histoire d'amour entre Juliette Drouet et Victor Hugo. Comment est-ce qu'on peut décrire cette relation qu'ils ont construite au fil des années? Parce que quand on voit Juliette Drouet, quand même, elle a l'air de symboliser un peu la condition de la femme au XIXe siècle. Mais ce n'est pas que ça, bien sûr. Ben oui, en fait, ils ont inventé une forme d'amour assez rare, qu'on peut a priori considérer comme une forme d'esclavage. C'est ce que vous disiez, vous n'avez pas tort, dans la mesure où elle a renoncé à sa carrière pour lui et où elle a accepté d'être entretenue au prix d'une claustration qui a duré pendant quelques années avant qu'il y ait cette affaire Léonie. Disons qu'à partir du moment où il y a l'affaire Léonie, Juliette Drouet devient beaucoup plus libre de ses mouvements, parce qu'il ne peut pas exiger à la fois qu'elle soit entièrement à l'attendre chez elle et qu'en même temps il ait une autre femme dans sa vie. Mais elle a choisi en même temps cette Est-ce qu'elle avait vraiment le choix ? Oui, elle avait vraiment le choix parce que à partir du moment où elle accepte de ne plus travailler, pendant quelques années, elle hésite, elle a envie de recommencer, elle alterne entre les moments où elle lui dit qu'elle va remonter sur scène et les moments où elle cherche vraiment du travail. Et puis finalement, elle se résout à vivre dans son ombre. Donc elle le choisit. Oui, elle a le choix. Choisit. Elle comprend très vite que c'est un génie. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a une part d'amour aussi qu'on ne peut pas expliquer et qu'on ne peut pas gloser finalement. C'est aussi une chose très banale que l'amour. Hein, nous savons. Oui, c'est une sorte d'esclavage, souvent. Il n'y a pas que pour Victor Hugo et Juliette Drouet. Mais il y a une dimension aussi intéressante qui est celle du soin, un peu ce qu'on appellerait l'éthique du care, nous, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils prennent énormément soin l'un de l'autre. Elle aurait pu devenir folle, quand même, avec cette claustration. Elle aurait pu. Mais, si vous voulez, dans le soin de l'autre, il y a une première phase qui est le souci de l'autre. Ça, ils l'ont tous les deux. Oui. Il y a la responsabilité de l'autre. Et là, c'est lui qui a la responsabilité d'elle, de Juliette, puisqu'il l'entretient. Oui. Elle aimerait bien avoir une responsabilité auprès de lui. Elle n'en a pas d'autre que copier son œuvre. Oui, ce qui est déjà pas mal. Et de devenir sa première lectrice. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer, par exemple, qu'il l'oblige à ne pas sortir? Elle n'a le droit de sortir qu'avec lui, par exemple. Quelles sont les raisons objectives? Que c'est purement névrotique? C'est quoi? Oui, c'est par jalousie. Il a peur qu'elle fréquente d'autres hommes. Oui, il est extrêmement jaloux. C'est très étonnant, hein, parce que elle lui dit son amour à longueur de lettres. Elle lui écrivait une lettre par jour. Hein. C'était un journal épistolaire. Donc on sait très exactement ce qu'elle ressent, elle, chaque jour. Et on perçoit que malgré l'amour éperdu qu'elle lui porte, il est quand même jaloux. Donc oui, il a peur qu'elle le trompe. Est-ce qu'il lui arrive à Juliette de se révolter? Oui. Alors, la phase extrême de la révolte, c'est quand elle part. Ça lui arrive en 34 dans l'épisode qui est raconté dans la dramatique. Et ça lui arrivera de nouveau en 1873, quand elle surprend une lettre d'amour adressée à Hugo. Et là, elle part sans laisser d'adresse. Et pendant une semaine avant qu'il ne la retrouve, il est désespéré. Il est vraiment désespéré. On le sait par ses carnets où il note ses sentiments. Et on voit bien qu'il est perdu sans elle à ce moment-là. Est-ce que Juliette Drouet a joué vraiment un rôle essentiel en 1851, quand Hugo est obligé de fuir, quand il part en exil? Alors, elle a joué un rôle essentiel un peu de trois manières. Hein. La première manière, c'est qu'elle est un soutien logistique. Elle lui trouve des planques. Notamment la toute dernière chez Montferrier. Ça, c'est un coup de génie, puisque Montferrier est un directeur de journal bonapartiste. Donc, c'est le dernier endroit où on pourrait suspecter Hugo de se cacher. Oui, bien sûr. Donc, il y a ce soutien logistique, il y a ce soutien moral énorme qu'elle lui apporte beaucoup plus que Madame Hugo, par exemple, hein, qui n'est pas impliquée dans le coup d'État. Et puis, on le voit bien au fait que, quand il arrive à Bruxelles, des trois femmes qui sont toujours avec lui, en quelque sorte, c'est-à-dire son épouse Adèle, Léonie Billard, qu'il continue très probablement de voir en cachette, et Juliette Drouet, la seule qu'il veuille avoir à ses côtés, c'est Juliette Drouet. Ouais. Donc là, vraiment, 51, ça nous prouve véritablement que de toutes les femmes qu'il a aimées, c'était elle qui était la femme de sa vie, vraiment son âme. Et elle sauve la malle avec l'œuvre de Victor Hugo. C'est un rôle essentiel. C'est un rôle essentiel. Pour la littérature. Absolument. Lui ne pouvait pas partir avec la malle quand il part deux jours avant elle, parce qu'elle aurait pu être fouillée par la police et l'identifier. C'est la raison pour laquelle il lui a laissé la malle pour qu'elle vienne de le rejoindre. Et d'un point de vue littéraire, est-ce que Juliette Drouet, en corrigeant, en relisant ses livres, enfin, est-ce qu'elle a joué un rôle aussi dans l'écriture de Victor Hugo finalement ? Alors, Juliette Drouet n'a pas écrit quoi que ce soit qui relève de l'œuvre de Victor Hugo, ni corrigé. Quand elle relit, c'est pour copier, c'est pas pour corriger. Elle l'aide parfois à faire ce qu'on appelait la collation, c'est-à-dire à vérifier que la copie avait été bien copiée par elle-même sur le manuscrit, donc comparer la copie au manuscrit. Donc c'est du travail de vérification. En revanche, elle a été une source d'inspiration pour Victor Hugo, pour certains personnages, pour Cosette, l'enfance orpheline qu'elles ont en commun. Pour Fantine aussi, puisque Fantine a quand même... Enfin, même si on n'est pas certain que Juliette se soit prostituée, on sait quand même qu'elle a vécu des largesses de certains hommes avant Hugo, puisqu'elle le dit elle-même. Une vie de courtisane. Donc on est plutôt dans la courtisanerie, peut-être que la prostitution. Et puis on voit aussi réapparaître dans l'œuvre de Victor Hugo certaines phrases qui sont dans les lettres de Juliette Drouet, qu'il met dans la bouche de certains de ses personnages. Et après 1851, très brièvement, Florence Nogrette, quelle a été la vie de Juliette Drouet et de Victor Hugo ? Elle l'a accompagné en exil. Elle a vécu à côté de lui, en exil, tout le temps. Ils vont vivre un peu plus près l'un de l'autre. Il va être beaucoup plus présent pour elle parce que sa vie mondaine est réduite en exil. Elle existe, mais enfin, elle est réduite à quand même à peu de choses. Et au retour d'exil, donc en 70, jusqu'à leur mort, là, elle est à Paris avec lui, d'abord dans une autre maison que lui, puis, Madame Hugo étant morte, elle peut, 5 ans après la mort de Madame Hugo, habiter avec lui à un étage différent, mais dans la même maison. Et là, elle devient la maîtresse de maison. Elle est reconnue. Elle a un statut social qui est beaucoup plus reconnu, puisque quand le tout Paris littéraire et artistique et politique vient dîner chez eux, c'est elle qui accueille. Juliette Drouet meurt en 1883. Hugo n'assistera pas aux obsèques. Et lui, il meurt peu de temps après. 2 ans plus tard, oui. Merci beaucoup, Florence Nogrette. Vous êtes l'autrice de Le théâtre de Victor Hugo aux éditions Ide et Calande, Le théâtre romantique aux éditions du Seuil. Et à l'automne 2022, on pourra lire votre biographie de Juliette Drouet, justement, qui sera publiée chez Flammarion. Et bien sûr, on peut lire également les lettres de Juliette Drouet. Une sélection est disponible chez Fayard. Et Florence Nogrette, vous avez dirigé l'édition intégrale de ses lettres, qui est disponible en ligne, www.juliettedrouet.org. Merci beaucoup. Merci à vous. Autant d'emporte l'histoire est fini pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission ou la podcaster sur notre site franceinter.fr. J'attends avec impatience vos commentaires sur le site ou bien sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, notre héros sera Louis XVI. Pas le roi aux prises avec la Révolution française, mais celui de 1786 qui, un jour, quitte son palais de Versailles et la cour pour se rendre à Cherbourg et réaliser son rêve, voir la mer. Mais c'est aussi pour le souverain, l'occasion sans doute trop tardive d'aller à la rencontre de son peuple. 1786, quand Louis XVI voulut voir la mer, c'est dimanche prochain dans Autant en emporte l'histoire.